per forza. La nece vetmon, in a full of luxa, na de dubba vetmon, na de dubba, na full of na papo, la vetmono. Vers les miroirs de l'intention, n'y a qu'un pas pour les profanes, celui d'errer le cœur en proie, cueillant les fleurs de la bohème. Souvenir que du vacarme et ce carquois en bandoulière. Est-il censé que je m'assoie pour retenir ce poème? Encore des sourds que j'aperçois, et bien souvent sont volontaires. Réveiller chez les vieilles dames de la sagesse dans leurs affaires. Maman, maman, nous. L'eau qui sans danger apparent n'est autre que source de la vie. Pourtant c'est toi dans un torrent peu importe la vie quand même. Les apparences parfois trompeuses des choses que l'on affectionne. La homme solidaire. L'eau qui sans danger apparent n'est autre que source de la vie. Pourtant cette eau dans un torrent peut emporter la vie quand même. Les apparences parfois trompeuses des choses que l'on affectionne. Existe même sans qu'on les nomme, ainsi la vie voile nos yeux. Pourquoi, pourquoi tu pleures de tristesse pour voir des fesses, tu fais l'artiste. Prouve-moi qu'à pied on se libère, marcher peut paraître utopiste. La mousse d'Anisson. Savan, avant nous beben,

n'aime pas.